Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, anciennement Radio Trait d'Union. Un trait d'Union, c'est bien quand même. Hein. Et ce soir, bien, émission calendrier des esclavages et des libérations. Alors, au programme, eh bien, bon, le calendrier, bien sûr. La Macronie ou l'indignation très sélective, par Blast. Ensuite, instant barré by CGT du CHPM. Jean-Louis Étienne, ah voilà quelqu'un. On ne peut pas ne pas avoir d'admiration pour Jean-Louis Étienne. Jean-Louis Étienne, un monde, un regard. L'émission de avec Elisabeth Martichou sur la chaîne parlementaire du Sénat. Jean-Luc Mélenchon, les causes de l'inflation. L'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours. Et puis une petite revue de presse, ce sera tout pour ce soir. Hiera umi, la felicion havis dieci, vivo brilis kiel sun radi, hodiaŭ okazis tragedi, ciam mi. Trovis helpon del cio pova di, ciù mi perdis grazon nun delli, char cun mi blu ne estas sci. Cial sci forlasis min sen antau prepar, venas al mi moi prihebla mia erar. Ambau ni amis reciproche cun passi, ecas nun de amo lagoni, temp de priplor caino. nostalgia. Kiel povas revoj cindriĝi dum moment. Eble amo ne povas daŭri sen turment. Ŝajnas mi disbatita de la vento foli, accompagnos min ciemo si profunde amis hierau mi. Same facile allude poesi, comencigas gia agoni, tempe de priplor cae nostalgi. Sbatita dalla vente foli, accompagnos min cinemozi, profunde amis hierau mi. Calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 2 octobre ? Eh bien, par exemple, le 2 octobre 1861, en France, l'opinion nationale, avec un O majuscule à opinion nationale, suggère aux ouvriers d'envoyer une délégation à l'exposition de Londres. Deux points, ouvrons les guillemets, c'est eux qui parlent, les gens de l'opinion. Il faut que la classe ouvrière parisienne s'affirme si elle veut conserver sur les autres nations cette supériorité qui a, jusqu'à ce jour, assuré notre supériorité sur tous les marchés. Point de suspension, fermons les guillemets. C'était le patronat qui parlait, disons. 1869, Inde. Naissance de Mahatma Gandhi. Il conduira l'Inde, colonie britannique, à l'indépendance, par les voies de l'action non violente. 1910, Grande-Bretagne, à Lancaster, un lock-out dans 700 tissages met au chômage 150 000 travailleurs. 1910, Grande-Bretagne. Vous voyez, l'histoire se répète. La croissance du capital, et puis la croissance du travail, et puis la croissance du chômage. 1935, Éthiopie. Agression colonialiste de l'Italie fasciste contre l'Éthiopie, membre de la Société des Nations. 1958, Guinée. Évidemment, l'Italie fasciste des années 30, des années 20, des années 30, ça n'a rien à voir avec l'état actuel de l'Europe, l'état actuel du monde. Hein. Ben non, toute ressemblance. Alors, 1958, Guinée. Après le non à l'appartenance à la communauté franco-africaine, la République de Guinée est proclamée. L'aide financière et administrative de la France est supprimée. 1968, Mexique. Veille des Jeux Olympiques de Mexico. Un grave malaise social règne dans le pays. Étudiants, ouvriers et intellectuels convoquent une gigantesque manifestation sur la place des trois cultures. Ils protestent contre la célébration des Jeux Olympiques dans leur pays, alors que tant de problèmes sociaux, santé, hygiène, éducation ne sont pas résolus.

la Coupe du Monde de rugby et des sifflets qui ont visé le chef de l'État. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état du pays quand même ? Pardonnez-moi, non mais franchement, moi ça me fait marrer. On est toujours pour aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. On est toujours pour aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. Ce n'était jamais arrivé sous la Ve République. Pour la première fois, un ministre en exercice va être jugé. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, sera effectivement jugé du 6 au 17 novembre par la seule juridiction qui en a le pouvoir, la CJR, la Cour de justice de la République. Depuis quelques semaines, des macronistes essaient de nous faire croire qu'ils sont d'une part viscéralement attachés à ce qu'ils appellent sans rire l'image de la France dans le monde, et d'autre part très profondément soucieux de défendre la réputation de la justice de leur pays. Sont-ils sincères ? Pour le vérifier, revenons d'abord au 8 septembre dernier. Ce jour-là, on se le rappelle, Emmanuel Macron a été très copieusement et très longuement hué au Stade de France lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Cette séquence, que nous sommes un certain nombre à avoir trouvée plutôt divertissante, a très profondément blessé le député macroniste Carl Olive, réputé proche du chef de l'État, et dont nous ne savions pas qu'il était si délicat. Deux jours plus tard, le 10 septembre, ce très sensible élu a donc confectionné, sous le coup de sa très vive émotion, un tweet dans lequel il expliquait gravement que « la notoriété de la France n'a pas à pâtir d'une minorité qui veut dégrader et pourrir systématiquement, gratuitement et sciemment l'image du pays à la première occasion ». Et il en a profité pour proposer très tranquillement l'adoption d'une loi d'exception interdisant les grèves dans les transports, par exemple, les veilles et avant-veilles des grands événements internationaux, comme une Coupe du Monde, par exemple. Ce député se présente donc comme un fervent défenseur de la notoriété de son pays, fermement décidé à sanctionner celles et ceux qui, par leur comportement, terniraient ce qu'il appelle l'image de la France dans le monde. On est toujours pour aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. Mais il peut arriver qu'il se montre un peu moins déterminé. Le jour où Carl Olive postait son tweet rageur dénonçant une minorité qui veut dégrader et pourrir systématiquement l'image du pays, Emmanuel Macron se trouvait à New Delhi pour un sommet du G20, actuellement présidé par l'Inde. Et il a publié sur les réseaux sociaux une photo le montrant en train de serrer dans ses bras celui qu'il présente régulièrement comme un ami, le premier ministre indien Narendra Modi. Or, comme le rappelait la présidente de la Fédération internationale pour les droits humains et le président de la Ligue des droits de l'homme dans une tribune publiée au début de l'été, ce très inquiétant personnage nourrit dans son pays, depuis plusieurs décennies, une épouvantable violence d'État dirigée contre les musulmans indiens et contre d'autres minorités, y compris sexuelles, ou encore contre les castes dites inférieures, qui font l'objet d'attaques incessantes de la part des nationalistes hindous avec le soutien du gouvernement. Non mais ça c'est formidable. Mais là, très curieusement, Carl Olive, qui venait pourtant d'expliquer à quel point il se sentait concerné par la réputation de la France dans le monde, est resté silencieux. À un moment donné, il faut aussi que nous prenions nos responsabilités. Il n'a pas du tout déclaré que la notoriété de son pays pâtissait très gravement du comportement d'Emmanuel Macron lorsque ce dernier serre dans ses bras un nationaliste brutal. Il n'a pas du tout accusé le chef de l'État français de vouloir dégrader et pourrir systématiquement, gratuitement et sciemment l'image du pays. Non mais ça c'est formidable. Et bien sûr, il n'a pas du tout réclamé une loi d'exception interdisant au président de la République française de distribuer des accolades à des oppresseurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le président, je peux vous dire qu'il est très fier. Quelques heures plus tard, les macronistes ont découvert que le syndicat de la magistrature, organisation qui n'a jamais caché le fait, mentionné dans ses statuts, qu'elle inscrit son action dans le mouvement social, tiendrait un stand à la fête de l'humanité. Le sang de la députée macroniste Violette Spillebou n'a fait qu'un tour. Elle s'est précipitée sur CNews, chaîne réactionnaire, pour déclarer, comme elle l'a ensuite répété sur Twitter, que la présence du syndicat de la magistrature à la fête de l'UMA était, je cite, « un très mauvais signe, un signe de politisation, alors que les Français ne font plus confiance à la justice ». D'autres représentants de la majorité lui ont emboîté le pas, et le ministre de la Justice en personne, l'inénarrable Éric Dupond-Moretti, s'est dit excédé par la présence du syndicat de la magistrature à la fête de l'humanité. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui a sorti la sulfateuse, c'était hier, regardez. Je suis, pour ne rien vous cacher, excédé. Je pense que le syndicat de la magistrature n'a pas pris la mesure de ce pathétique événement qu'était le mur des cons. Mais là encore, les indignations des macronistes sont à géométrie variable. Depuis plusieurs semaines, en effet, un homme, profitant de l'immense complaisance des journalistes qui l'aident à faire la promotion de son dernier livre... Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. ...paru à la fin du mois d'août, lance publiquement des accusations extraordinairement violentes contre la justice française. Il s'agit évidemment de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, qui a été condamné en première instance et en appel à un an de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes, qui a également écopé en première instance d'une condamnation à un an de prison ferme dont il a fait appel dans l'affaire du financement de sa campagne présidentielle de 2012 et qui sera jugé en 2025 dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Ça commence à faire beaucoup, mais Sarkozy, avec un aplomb phénoménal, continue de faire le tour des rédactions pour déclamer entre deux contre-vérités. Monsieur Brousse-Toussaint, si on dit que je suis malhonnête, faut le prouver. Il se pose donc en victime de juges qu'il persécuterait et dont il suggère assez nettement qu'il serait même allé jusqu'à le condamner sans preuve. C'est une accusation exceptionnellement grave. Et c'est aussi et surtout une attaque contre l'institution judiciaire d'une brutalité inouïe et d'autant plus ravageuse qu'elle est lancée par un ancien président de la République. Quelle indignité. Mais très curieusement, aucun député macroniste n'a réagi à ces propos. Violette Spibou n'a pas du tout considéré que les divagations de Sarkozy, suggérant qu'il ne fallait surtout pas faire confiance à la justice, constituaient un très mauvais signe, alors que les Français ne font plus confiance à la justice. Et Éric Dupond-Moretti ne s'est pas du tout dit excédé par les attaques incessantes d'un ancien chef de l'État contre son ministère. Il est vrai que lui-même se trouve dans une situation un peu délicate, puisqu'il comparaîtra au mois de novembre prochain devant la Cour de justice de la République, qu'il jugera pour prise illégale d'intérêt, 3 ans après le dépôt en 2020, par une association de lutte contre la corruption et 2 syndicats de magistrats, d'une plainte l'accusant d'avoir usé de ses prérogatives ministérielles pour ordonner des enquêtes administratives contre des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir à l'époque où il était avocat. Le ministre est soupçonné de prise illégale d'intérêt. 2 syndicats de magistrats l'accusent d'avoir abusé de sa position de garde des Sceaux. Mais là non plus, rien ne dérange les macronistes. Et là non plus, Violette Spibou n'a rien dit. Manifestement, elle ne pense pas du tout que la prochaine comparution du ministre de la Justice devant des magistrats qu'il soupçonne d'avoir peut-être usé de ses prérogatives pour régler de vieux comptes personnels constitue elle aussi un très mauvais signe. Résumons pour finir. Quand des citoyens et des citoyennes osent manifester par des sifflets l'exaspération que leur inspire Emmanuel Macron, les fidèles du chef de l'État hurlent que ce charivari constitue une attaque scandaleuse contre l'image de la France. Et certains en profitent même, comme le député Carl Olive, pour lancer une nouvelle attaque contre le droit de grève. Mais quand ce même chef de l'État affiche publiquement sa proximité avec certains des pires tyrans de la planète, ces mêmes fidèles ne considèrent pas du tout qu'il nuit à la réputation du pays. De la même façon, quand des magistrats syndiqués, usant de leurs droits les plus élémentaires, participent à la fête de l'UMA, les macronistes hurlent au scandale et décrètent que cela aggrave ce qu'ils appellent la défiance des Français à l'égard de l'institution judiciaire. Mais le fait qu'Emmanuel Macron ait maintenu son ministre de la Justice dans ses fonctions, alors même qu'il était passible d'un procès pour prise illégale d'intérêt, ne les choque absolument pas. C'est ce qu'il y a de plus admirable chez les macronistes. Dans le mensonge et l'hypocrisie, ils ne renoncent jamais à essayer de se surpasser. Quand on reverrai-je, pays merveilleux. Gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. comme la montre à son tic-tac. Le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, t'as pensé, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Macron, en 5 ans, il a utilisé 80 ministres. Alors, est-ce que tous ces remaniements ont été positifs? Est-ce que, grâce à tous ces remaniements, la France va mieux? Non. Vous voyez, quand on a la diarrhée, on change de slip. Mais au bout de 10 minutes, le nouveau slip est sale. Parce que le problème vient du trou du cul au-dessus. Quand on fait le bilan des ministres de Macron depuis son élection de Pénicaud à Castex, en passant par Borne, Collomb, Le Drian, Bachelot, Bérou, putain, mais qu'est-ce qu'il a avec les vieux, quoi? Il a cru que le gouvernement, c'était son compte Tinder. Avec le bilan qu'il a, je sais pas comment il arrive encore à trouver des gens qui veulent bien bosser avec lui. Il paraît qu'au dernier remaniement, il voulait mettre Nordal Lelandais, garde des Sceaux, quoi. Mais c'est Nordal qui a dit non, quoi. Non, je veux pas que mon nom soit mêlé à vos conneries, quoi. Vous allez voir qu'avec le bol qu'on a, au prochain remaniement, on va se retrouver avec ça, quoi. Ça fait du bien, la démocratie française. Ça permet de voir des nouvelles têtes. Oh, si, si, si. Jack et Rachida, chaque fois que tu les vois, ils ont une nouvelle tête. Finalement, ils ont l'air d'être en forme, les Bogdanov.

L'augmentation des prix tape fort dans votre portefeuille. Et que fait le gouvernement ? Rien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai trouvé 7 milliards. Donc vous vous êtes tous rendu compte que les prix augmentent sans cesse. Ça fait des mois que ça dure, ça fait des mois que le ministre Bruno Le Maire apparaît à intervalles réguliers à la télévision et dit « je demande aux industriels, je demande au secteur de l'agroalimentaire, je demande ceci, je demande cela » de calmer les prix. Naturellement, ils n'en tiennent aucun compte parce que c'est la logique normale d'un système que lorsque quelque chose est possible, eh ben on va au bout de ce possible. Il est possible aujourd'hui d'augmenter les prix sans limite. Et par conséquent, ceux qui sont en situation de le faire, le font. Ils augmentent les prix et ils les augmentent en augmentant leur marge de bénéfice. Et ce sont ces marges qui créent l'inflation. Il n'y a pas d'augmentation des matières premières ou des coûts de transformation qui justifie le niveau d'augmentation des prix que tout le monde constate. C'est donc de la pure spéculation qui enrichit considérablement quelques groupes qui n'ont, comme d'habitude, ni morale, ni aucun respect pour la population, ses besoins. Le nombre de gens qui ne peut plus se nourrir correctement ou même se nourrir tout simplement augmente. Le nombre d'enfants qui n'ont pas le matériel pour aller à l'école augmente, etc., etc. Et les prix à la pompe continuent à osciller autour des 2 euros le litre quand ça ne le dépasse pas. Et c'est là que le gouvernement a trouvé une mesure, à part ses vaines prières, une mesure pour la rentrée, eh bien, il permet de vendre à perte. Naturellement, personne ne comprend rien, et tout le monde se demande comment on peut vendre à perte. Eh bien, je vais vous expliquer en un mot commençant ce que c'est. La vente à perte, c'est le moyen pour les grandes surfaces de baisser le prix de l'essence qu'elles vous vendent à la pompe, et en augmentant, par-ci, par-là, les prix des autres produits que vous irez acheter, parce que vous commencez par passer à la pompe, vu que ça coûte moins cher. Voilà. Autrement dit, vendre à perte est une mesure qui ne favorise que les grandes surfaces et naturellement détruira toutes ces petites stations essence qui existent de tous côtés et qui sont si pratiques, en plus de faire vivre ceux qui les font fonctionner, mais qui sont, dans la vie de la ville, si utiles à notre existence quotidienne pour ceux qui ont une voiture ou qui vivent dans des villes où il y a peu de transports en commun, ce qui est le cas d'un grand nombre de villes. Voilà donc la seule idée de ce gouvernement. Alors, on en a proposé. Comment faire face à ça? Ben, c'est assez simple, hein. Vous bloquez les prix et on bloque les marges. On ne se contente pas de les bloquer, on les diminue en disant pour chaque produit quelle est la part que l'on permet de prendre comme bénéfice. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça permet de faire en sorte que à la sortie, ce ne soit pas les consommateurs qui soient plumés. Et qu'on ne vienne pas me dire que cela pénaliserait les petits producteurs, paysans, que sais-je encore, des gens qui produisent avant que l'on mette en vente. Parce que les prix qui leur sont payés sont dérisoires et n'ont strictement rien à voir avec celui que vous payez dans les rayons. Il est donc juste de dire, on va réduire les marges, et cette réduction des marges coûtera, oui, en effet, à qui ? À ceux qui accumulent, voilà. Et croyez-moi, ça ne les empêchera pas de faire des bénéfices, hein. mais ça bloquera, ça limitera l'extension de ses bénéfices au détriment de la population. Je vous parle très sérieusement de ce sujet. Je vous demande de bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Si les prix augmentent, c'est par un effet de spéculation. Il n'y a aucun facteur objectif qui justifie cette augmentation des prix. Alors comment pourrait-on guérir les profiteurs de la mauvaise habitude d'augmenter les prix comme ça au-delà du raisonnable devant des populations qui ne peuvent pas se défendre? Il y a une manière fort simple là aussi de le faire. Il faut revenir à ce que l'on appelait autrefois, et qui fonctionne encore aujourd'hui, l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire, s'il y a 2% d'inflation, les salaires augmentent automatiquement de 2%. S'il y a 3%, etc., etc., etc. Et si on procède de cette manière, très vite, tout le monde voit l'intérêt qu'il y a à comprimer les prix, et en tout cas en évitant de faire des marges abusives, et on aurait dit autrefois, usuraires. Alors, je vous ai dit, j'ai trouvé des sous. Oh, c'est pas d'aujourd'hui que je les ai trouvés. Je vais vous dire où ils sont. Chaque année, la France paye une somme, c'est sa cotisation, au fonctionnement de l'Union européenne. Et chaque année, l'Union européenne reverse à la France, pour toutes sortes de politiques qu'elle privilégie ou favorise, de l'argent. Quand on fait le compte des deux, c'est-à-dire ce qu'on a donné et ce qui revient, on trouve qu'on donne 7 milliards de plus qu'on ne reçoit. Alors j'ai entendu dire, ah ben ça s'appelle la solidarité. Mais je n'en dis combien pas. Il faut qu'il y ait de la solidarité, bien sûr. Mais on ne fait pas de la solidarité quand soi-même, on demande la solidarité. Pourquoi? Parce que la France s'enfonce. Et donc ces 7 milliards, nous pourrions dire, écoutez, à titre exceptionnel, cette année, la suivante, nous ne les donnerons pas, nous les retirons de la facture et nous les utilisons à autre chose. Et bien sûr, on se retrouve dans un an ou dans deux ans. Pourquoi j'insiste sur ces 7 milliards? C'est parce que non seulement ce n'est pas juste, quand on est soi-même en détresse, de donner plus que l'on a, parce que c'est ce que nous faisons, nous donnons plus que ce que nous avons. Mais aussi, c'est, à mains égards, totalement immoral. Pourquoi? Parce que les Français, qui sont la bonne pomme de l'Europe, payent pour ceux qui ne payent pas. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui refusent d'augmenter leurs cotisations. Depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, les cotisations de chaque État ont augmenté, il y a des pays qui refusent. Et ce sont les Français, les bonnes pommes, qui payent la différence. Alors évidemment, c'est les Allemands qui en profitent le plus, et quelques autres, comme d'habitude. Ceux qui ensuite viennent donner des leçons à tout le monde sur la manière de gérer les budgets. Alors, ces 7 milliards, c'est un chiffre. Oh, 7 milliards, bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 7 milliards? Voulez-vous que je vous dise? C'est 200 fois le déficit des Restos du Cœur. 200 fois, m'entendez-vous? Alors, le problème serait réglé. Aujourd'hui, nous avons un problème de harcèlement scolaire. Tout le monde dit, sauf ceux qui n'ont pas beaucoup réfléchi, la solution, ce serait de punir. Oui, bah, faut punir, bien sûr, ça va de soi, les harceleurs. Mais c'est pas la solution. C'est un problème qui est plus profond, qui est plus enraciné. Donc, il faut du monde. Il faut que le jeune garçon, la jeune fille qui est harcelée puisse rencontrer un adulte pour en parler. Donc il faut des infirmiers scolaires, il faut des psychologues scolaires, il faut un conseiller principal d'éducation, il en manque des dizaines, il faut un professeur principal de la classe qui dispose du temps qui est nécessaire pour pouvoir échanger avec les élèves, faire le point de leur situation, etc. Eh bien avec 7 milliards, on peut payer 150 000 professeurs ou personnels d'éducation supplémentaires. 150 000, m'entendez-vous? 7 milliards que nous donnons, que nous ne devrions pas donner, nous permettraient de nous payer largement le personnel dont on a besoin. Alors on pourrait partager cette somme de 7 milliards. Par exemple, si l'on donnait à tous les jeunes gens qui sont inscrits à l'université, pour qu'ils puissent travailler, et seulement travailler leurs études, préparer leur avenir de cette manière, et non pas partager leur temps entre les boulots, qui normalement devraient pouvoir être faits par d'autres, et l'université. Eh bien, nous pourrions donner une allocation d'autonomie de 1000 euros aux 3 millions de jeunes qui sont aujourd'hui à l'université et dont nous avons besoin qu'ils soient à l'université et qu'ils apprennent et que leur niveau de qualification augmente. Et puis, il en resterait encore assez pour, par exemple, donner la même somme aux jeunes gens qui sont dans les lycées professionnels. Bref, c'est beaucoup d'argent. Cet argent est gâché. La France donne 7 milliards de trop à l'Union européenne. Elle doit donner sans doute plus que d'autres parce qu'elle est riche. En tout cas, le pays est riche, pas les gens qui sont dedans. J'admets l'idée qu'il y ait de la solidarité, mais pas jeter son argent comme si on était des riches, tellement riches qu'on pourrait se permettre de le donner de cette manière. Il y a 7 milliards disponibles, la France n'a qu'à les retenir et ne pas les donner à l'Union européenne en expliquant que sa situation est une situation d'extrême détresse. Si mon idée vous a plu, faites-la connaître, parce que sinon, ça continuera. Et si ça continue, c'est une honte. Thank you. Oui, alors là, aujourd'hui, on va faire plaisir aux auditeurs de la base, si j'y suis. C'est pas tous les jours, hein, mais là, ils vont être contents parce qu'on va parler des patrons. Et on sait à quel point nos auditeurs adorent les patrons et le patronat. Pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Benoît Colomba, que vous connaissez, dont vous connaissez au moins le nom, qui est journaliste à France Inter. Salut, bonjour. Bonjour. Et on va dire copinage, et même pas du tout, on se connaît à peine, on se croise de temps en temps dans les couloirs de cette noble maison, mais on se connaît pas plus que ça, sinon à travers nos travaux journalistiques réciproques. Et puis avec Benoît Colomba, il y a David de Cervenay, qui est journaliste à Rue 89, bonjour. Bonjour. Ça, c'est deux des cinq oiseaux qui ont fait ce pavé qui est devant moi, qui s'appelle « Histoire secrète du patronat ». Il y en a trois autres, donc Frédéric Charpier, Martine Orange et Erwan Seznec, celui-là nous rejoindra. Alors, histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours. Je vous dis tout de suite, heureusement que les journalistes en général ne lisent pas les livres. J'espère que ce livre, pour les patrons et pour le patronat, aura un succès limité, parce que là, vous donnez quand même des arguments, des analyses, et puis toute une histoire qui devrait quand même faire réfléchir. On va dire simplement ça. Faire réfléchir sur ce que sont les patrons, ce qu'est le patronat, et sur l'influence de ce patronat et de cette économie telle qu'ils la conçoivent et la dirigent et la manipulent depuis au moins cette période-là, sur nos vies. C'est une influence quand même considérable. Quelle était l'intention? Qui a eu l'idée de ce bouquin? En fait, à l'origine de ce livre, il y a une enquête commune avec David Cervenay, donc une enquête France Inter Rue 89, sur la médecine du travail. On avait notamment mis en avant le fait qu'une partie de l'argent des cotisations patronales, n'allait pas au bon endroit et servait à financer, par exemple, des bâtiments du MEDEF, voire des voyages à l'étranger, etc., qui avait tout un système organisé depuis des années à l'échelle de toute la France. Donc, un système dévoyé de la médecine du travail. Et évidemment, ça a fait un petit peu désordre, puisque cette enquête est arrivée après l'affaire dite de la caisse noire de l'UMM, ouais. Où tout d'un coup, Laurence Parisot nous expliquait que c'était incroyable, on découvrait des choses inavouables au sein du patronat. Elle était très surprise, Laurence. Voilà, comme un secret de famille, a-t-elle dit à ce moment-là. Donc, à cet instant précis, on montrait que les choses étaient peut-être un petit peu plus compliquées que tout ça. Et derrière cette affaire de l'UMM, il y avait peut-être des enjeux cachés, notamment des enjeux financiers. Et d'autres caisses noires. Et d'autres caisses noires, au sein du paritarisme. Et d'ailleurs, on l'explore dans le livre. Donc ça, c'était le point de départ. Et donc, on s'est dit, il y a un fil, et puis on veut tirer le fil de cette pelote-là. Et avec David, on s'est aperçu que, paradoxalement, c'était un sujet qui avait été assez peu exploré journalistiquement. Mmh. Oui, et l'idée revient en grande partie à François Gèze, notre éditeur, qui nous a poussé aussi à reprendre cette histoire sur une longue période, donc avec 60 ans de recul, en partant de la guerre, du pacte du Conseil national de la résistance, de cette espèce d'alliance entre gaullistes et communistes, pour construire ce fameux modèle français qui depuis a beaucoup dérivé. Oui. L'idée, c'était d'élargir un peu la focale, quoi, comme avec une caméra, parce qu'en restant le nez dans le guidon de cette affaire de la caisse noire du UMM, on comprenait à peu près rien. Oui. Vous commencez par moraliser le capitalisme, et là, il y a un point d'interrogation. Hein, c'est la période qu'on vit actuellement. Ça fait un bout de temps qu'on revient sur ce thème-là. Mais enfin, avec la crise, on a entendu ce mot dans la bouche même de notre président de la République. Il faut moraliser le capitalisme. Il y a un capitalisme barbare. Il y a des excès. Il y a des abus. Et maintenant, l'éthique. Voilà, l'éthique. On va moraliser le capitalisme. Et ça, vous avez l'air un petit peu d'en douter. D'entrée de jeu, votre introduction. Oui, parce que la crise nous a rattrapés. Hein. Nous, on avait déjà lancé le projet quand la crise est arrivée. Mais c'est vrai que quand on fait un état des lieux, finalement, de 60 ans de ce modèle français, on a quand même beaucoup de doutes sur la volonté du patronat et des politiques de lutter contre la lente déréglementation qui s'est déroulée, notamment depuis les années 1970. Et donc, aujourd'hui, quand revient sur le devant de la scène, tout un discours keynésien sur la régulation de l'économie, il faut limiter ses excès, etc. On se rend compte que ça correspond pas du tout à la politique que à peu près tout le monde, y compris la gauche d'ailleurs, à partir des années 80, a soutenu, quoi. Donc il y a quand même un hiatus entre le discours public aujourd'hui et les actes. Et c'est intéressant de revenir au fait parce que la dérégulation des marchés financiers, elle tombe pas du ciel. Donc c'est intéressant de revenir, effectivement, David faisait allusion notamment au rôle de la gauche, par exemple, dans une responsabilité été assez important dans cette dérégulation des marchés. Donc c'est un long mouvement qu'on suit à partir des années 80. Et même, par exemple, il y a un chapitre, c'est Martine Orange qui le signe, sur ce qu'on appelle les faux gendarmes de la bourse. C'est intéressant de voir, on met soi-disant des contre-pouvoirs, l'ACOB, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. En septembre 2007, l'AMF s'étonnait qu'on n'investisse pas assez dans les produits financiers type hedge funds. Voilà, donc je crois que tout est dit là. Oui, alors, ce qui se passe, c'est quand même, c'est tout ce que vous décrivez dans ce bouquin, on voit que ce sont pas des intempéries. Il n'y a pas de fatalité, de choses qui surviennent comme ça brusquement, qu'on n'avait pas vu venir, et puis qui s'évanouissent aussi rapidement qu'elles sont apparues. C'est un petit peu comme ça que les médias ont pour coutume de présenter les choses. C'est lié au système médiatique lui-même. Il y a ça. Mais il y a d'autre part aussi l'idée d'un complot. C'est-à-dire, il y a des choses qui se trament, des cabinets obscurs, où des gens tirent des ficelles. Et ça, vous oscillez toujours un peu entre les deux. En vous lisant, on se dit, ah oui, ça, ils arrivent à montrer que ça n'était pas un hasard, mais est-ce que par moment, par exemple, vous parlez de Bilderberg ou de choses comme ça, est-ce qu'il n'y a pas là l'idée d'un complot, de choses qui sont préparées de longue date et avec des gens qui... On n'a pas de vision complotiste de l'histoire, mais ce qu'on s'est efforcé de faire quand même en retraçant cette histoire secrète du patronat, et là le qualificatif a tout son sens, c'est de mettre en lumière aussi des personnages ou des mécanismes qui ne correspondent pas à la légende qu'on nous a racontée sur une espèce d'histoire un peu officielle comme ça. Deux exemples. Par exemple, on nous dit, donc revenons sur ce modèle français, on nous dit c'est un modèle exceptionnel, très redistributif, social, etc. En fait, quand on regarde un peu précisément les mécanismes et le fonctionnement de la médecine du travail, des caisses de congés payés du bâtiment, de la formation professionnelle, du 1% logement, ou des fonds du handicap, par exemple, dont on a récemment parlé dans l'actualité, on se rend compte que tous ces systèmes qui, au départ, sont fondés sur de très bonnes intentions, ont tous été dévoyés petit à petit. Pourquoi ? Pour financer les organisations patronales et les organisations syndicales. Donc aujourd'hui, on peut quand même se poser la question de savoir... Comment se passe ce dévoiement ? Alors, de plusieurs manières. Le grand classique, c'est par exemple de faire salarier des permanents du MEDEF, de la CGPME, des grandes confédérations syndicales par ce genre d'organisme. Mais c'est aussi, ça peut être d'acheter des ordinateurs, d'acheter des immeubles pour construire des sièges, etc. etc. Il y a plein de mécanismes possibles. Il y a par exemple sur les caisses de congés payés du bâtiment, une cotisation professionnelle qui est ponctionnée auprès des entreprises pour les organisations patronales, qui est présentée comme une cotisation obligatoire. C'est comme si vous étiez obligé, quand vous êtes une entreprise, de cotiser à une organisation patronale, ce qui est évidemment formellement interdit. Voilà, ce genre de choses. Et puis, l'autre aspect qu'on a voulu développer aussi, c'est de mettre en lumière des personnages qui n'apparaissent pas, et qui ne sont jamais apparus dans l'histoire patronale, mais qui ont joué, qui sont complètement méconnus du grand public, et qui ont joué un rôle très important dans le fonctionnement des coulisses, justement, de tous ces mécanismes de dévoiement. Par exemple, vous faites apparaître un personnage dont j'avais jamais entendu parler, j'avoue, c'est Georges Albertini. Georges Albertini, par exemple, c'est effectivement assez emblématique. C'est alors à l'origine quelqu'un plutôt engagé à gauche, on va dire, Parti communiste, SFIO. Avant-guerre. Pendant la guerre, il a un engagement très fort au sein du RNP, le Rassemblement National Populaire de Marcel Déat. Donc là, vraiment, c'est la collaboration la plus poussée jusqu'au bout, hein, vraiment jusqu'au bout de la guerre. Il arrive à passer plus ou moins entre les gouttes au moment de l'épuration. Là, on y revient, parce que là aussi, ça fait partie de la légende officielle des grands patrons qui auraient tous été résistants. On s'aperçoit quand on entre dans le détail, et là, c'est pas l'inverse. Que c'est tout à fait l'inverse. Et donc, ce Georges Albertini arrive à quand même passer entre les gouttes de l'épuration. Il est recyclé du côté de la banque Worms. Et là, c'est vrai qu'il va jouer un rôle très important au niveau du monde politique. Sous la 4e et la 5e République, ça va être un conseiller très écouté de Georges Pompidou et ensuite de Jacques Chirac. Donc là, c'est tout à fait emblématique. Quel conseil donne cet Albertini ? Quel type de conseil ? Georges Albertini, en fait, c'est l'un des héros de l'anticommunisme. C'est-à-dire qu'il... Ça revient très souvent dans votre bouquin sur cette période. Il y a une colonne vertébrale idéologique du côté du patronat, c'est l'anticommunisme, c'est l'antimarxisme. Ah oui, ça, de la libération jusqu'aux années 70, jusqu'à l'élection de François Mitterrand, en réalité, c'est vraiment le ciment qui unit complètement le patronat. Et donc, Georges Albertini va monter un certain nombre d'officines, très souvent d'ailleurs, sur des financements des services secrets américains, des officines anticommunistes. Il se spécialise dans l'étude des syndicats, et notamment de la CGT, parce qu'il faut bien connaître l'ennemi, comme il l'appelle. Et donc, il monte, par exemple, des formation pour les patrons, pour apprendre à négocier avec les syndicats, ce genre de choses. Et puis c'est aussi Georges Albertini, le personnage... Parce que lui a son passé d'homme de gauche, oui, absolument. Même d'extrême gauche, il était communiste, je crois, dans sa jeunesse. Oui, oui, il a été communiste. Et puis donc il peut venir en disant, je sais de quoi je parle. Absolument, et il connaîtra bien tous ces milieux. Et puis, il a ses entrées partout, hein, du côté de Guy Mollet, pour la SFIO, le champ est très large. Et à la fois, lui fournit les munitions financières, David faisait allusion par exemple à l'argent de la formation professionnelle, les munitions financières, des connexions avec l'UMM, et les munitions intellectuelles. Parce que les structures dont on parle, hein, l'Institut d'Histoire Sociale, l'Institut Supérieur du Travail, tout ça, c'est des officines qui vont alimenter en munitions intellectuelles toute une partie du personnel politique, effectivement, dans ce contexte d'anticommunisme. Et par la suite, dans les années 70, il va permettre aussi de recycler toute une partie du personnel politique venu de l'extrême droite, et qui vont ensuite s'engager dans les mouvements libéraux, Gérard Longuet, Alain Madelin, et d'autres. Et il a une influence très forte sur le pouvoir, puisque Frédéric Charpier révèle dans un très bon papier une note d'Albertini qui est remise à Georges Pompidou 2 jours après son arrivée à l'Élysée, donc à la présidence de la République, où il résume la politique économique et sociale que le nouveau président devrait suivre. Et quand on lit cette note, on se rend compte que ça correspond dans les très grandes lignes au programme que Georges Pompidou va appliquer pendant sa présidence. On continue avec l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours, secrète, ne l'oublions pas. Alors, vous avez construit le bouquin en plusieurs séquences historiques et vous suggérez aussi qu'il a plusieurs genres de capitalisme. Vous mettez en doute la capacité de moraliser le capitalisme, par le capitalisme lui-même d'ailleurs, mais après, vous découpez en séquences. Est-ce que vous pouvez évoquer les séquences, les différentes séquences historiques? Oui, alors la première grande séquence, c'est celle qui va de... C'est David Servenay qui parle, là. De la guerre, donc, jusqu'à 1968, où il y a assez clairement une rupture intellectuelle, en fait, dans cette histoire patronale, et qui se caractérise notamment cette première période par le poids de l'anticommunisme. On en a un petit peu parlé, mais aussi de la décolonisation. On montre quand même que, par plein d'aspects, la décolonisation va jouer un rôle très important dans la structuration des grandes fortunes. Il y a un exemple qui est assez parlant, qui est la fortune de Sylvain Floirat, qui est à l'époque donc un grand magnat qui est personnage haut en couleur, on disait. Très, absolument. C'est Europe numéro 1, non? Oui, absolument. C'était le patron d'Europe numéro 1, et il est considéré comme le père spirituel de Jean-Luc Lagardère, puisqu'il a transmis à Jean-Luc Lagardère Matra, qui va devenir ensuite donc le cœur du groupe d'armement qu'on connaît. Et Sylvain Floirat, en fait, va bâtir une bonne partie de sa fortune sur le trafic d'héroïne organisé par les services secrets français, donc le SDEC à l'époque, pendant la guerre d'Indochine, pour financer les maquis que le SDEC a organisés sur les hauts plateaux du Tonkin pour faire la guérilla contre le Viet Minh. Et Sylvain Floirat donc loue ses avions de la compagnie Aigle Azur pour transporter l'opium qui ensuite est transformé en héroïne dans des laboratoires autour de Saïgon. Voilà, ça c'est un aspect qui est assez méconnu, mais qui montre bien que toute cette période de la décolonisation des indépendances va jouer un rôle quand même assez important. Ce que vous mettez en valeur, je trouve, très souvent, c'est quand même la toile de fond, et même plus que ça, idéologique de tout ça, hein, de tout ce monde de l'économie et du patronat, qui se présente toujours avec l'espèce d'objectivité de l'économie, le côté de la fatalité économique, l'obligation de la concurrence, la pression des actionnaires, etc. Et les aventuriers qu'ils seraient tous. L'aspect idéologique, il a été théorisé effectivement après mai 68, hein, d'une certaine façon, ce qu'on appelle la contre-révolution de la communication patronale. Il y a un personnage, là aussi méconnu du grand public, qui a joué un rôle central là-dedans, il s'appelle Michel Froisse, qui était officier pendant la guerre d'Indochine, là on revient encore, on parlait de Sylvain Floirat il y a peu, et qui a théorisé d'une certaine façon cette contre-révolution patronale après mai 68. Il travaille au service de la propagande aux côtés du général de Tassigny pendant la guerre d'Indochine. Il a ensuite été en Tunisie, au Maroc, il a travaillé pour le syndicat des industries électriques dans les années 50, et c'est lui qui crée le premier service de la communication du CNPF, hein, c'était le nom du patronat à l'époque, au début des années 70. Et là, il va théoriser la façon, effectivement, de retourner l'opinion, de se faire des journalistes des amis, hein, sa formule restée célèbre, c'est pour se servir de la presse, il faut la servir, et il va former toute une génération de communicants qui, aujourd'hui, conseille les grands patrons. Dont une certaine Madame Méo. dont Anne Méo, dont Michel Calzaroni qui conseille notamment Vincent Bolloré, mais d'autres. Hein. Et donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir, de faire le parallélisme entre ce qu'on appelait l'arme psychologique, hein, la septième arme qui était utilisée pour lutter contre la guérilla, la contre-guérilla, et de voir comment cette technique a été utilisée et adaptée au monde patronal. Quel est le réel poids de ce patronat, justement, après ce que vous dites là, sur les médias, puisque vous êtes tous les trois, on est même tous les quatre journalistes. Quelle est la technique, la pression réelle? C'est souvent une pression assez diffuse, finalement, parce que on le sait tous, il y a rarement des cas de censure caractérisés. Vous avez rarement un patron qui vous appelle, que ça soit un patron de presse ou un grand patron, qui vous appelle pour dire non, ça ne passera pas. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Par contre, il y a... Au Figaro, ça continue quand même. Oui, pas qu'au Figaro d'ailleurs. Mais non, très très souvent, en fait, c'est une pression sur les sources. Parce que finalement, quand vous voulez travailler sur ces milieux économiques, vous êtes quand même assez dépendant des sources importantes que sont les entreprises et les patrons. Voilà, et tant que vous travaillez dans leur sens, en tout cas de leur point de vue, tout va bien. Mais dès que c'est plus le cas, à ce moment-là, tout va mal. Et on cite un exemple qui est assez intéressant. Un confrère des Échos qui s'appelle Guillaume Delacroix, qui a suivi donc Laurence Parisot et le monde patronal pendant des années, un jour se met dans l'idée de faire une enquête pour faire un livre, et le jour où il en parle à Laurence Parisot, avec qui il a les meilleures relations, elle se fâche, elle le congédie, et elle va même le blacklister, puisqu'il nous rapporte que lors d'une réunion du conseil exécutif du MEDEF, donc le bureau en quelque sorte hein, du mouvement patronal, Laurence Parisot dit aux autres grands patrons, désormais vous ne parlerez plus à Guillaume Delacroix parce qu'il est en train de commettre un torchon. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et puis on voit bien que signer des biographies non autorisées de grands patrons, ça s'avère quand même une entreprise particulièrement ardue. Il y a l'exemple de Gérard Muliez, l'un des princes de la grande distribution, ou de Maurice Lévy dans le monde de la publicité. On s'aperçoit que les rares journalistes qui veulent s'attaquer journalistiquement à ces sujets-là, ils se heurtent à un mur. Ce qu'on trouve aussi, c'est les journalistes qui leur cirent les pompes aussi, quand même. Ça existe, il faut bien dire les choses. Ça existe. Oui. On continue avec l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours, avec Benoît Colomba. Et puis avec Benoît Colomba, il y a David de Servenay et Erwan Seznec. Alors, ce qui se passe aussi, ce que vous mettez bien en lumière, je trouve, c'est tout le couple État-patron. Hein, l'État et les patrons, et ces gens-là qui se présentent toujours, bah justement, à travers les biographies complaisantes qui sont faites sur eux, comme des héros, des visionnaires, qui prennent des risques. Ça fait partie de la légende, effectivement, ces grands conquistadors, ouais. Grands libéraux, effectivement. Quand on commence à regarder comment certains ont constitué leur fortune, on voit qu'effectivement, il y a quand même un léger décalage et qu'ils se sont beaucoup servis, justement, de l'État pour arriver à leur fin. Alors, en flirtant avec la ligne jaune, hein, donc on voit effectivement des gens comme Bernard Arnault, ou comment Bernard Tapie a pu faire une partie de sa fortune à la barre des tribunaux de commerce, que ça soit aussi Marcel Dassault, enfin la liste Marcel est longue. Marcel Dassault, c'est bien quand il dit « je les ai tous payés ». Oui, tous les politiques. Tous payés, c'est les politiques. Il le disait carrément, ouvertement, c'était à chéquier ouvert, il y allait et son fils continue. Le cas de Marcel Dassault est intéressant à plus d'un titre parce qu'il est assez nuancé. Marcel Bloch, donc on le sait, a passé la guerre dans un camp de concentration et en fait, il doit sa survie au Parti communiste, qui, dès son arrivée au camp, lui disent « on vous connaît, Monsieur Bloch, ne vous inquiétez de rien, on va vous protéger », ce qui est effectivement le cas. Et quand il rentre, après-guerre, quand il revient des camps, Marcel Dassault, donc, va avoir les meilleurs rapports avec le Parti communiste et va avoir une politique plutôt assez paternaliste, mais assez sociale, en fait, au sein de son entreprise. Oui, mais il soutient aussi, on dit qu'il versait chaque année une somme au Parti communiste, c'est vrai, ça ? Il a toujours laissé planer cette ambiguïté. Mais ça serait pas étonnant, parce que toujours en raison de ce creuset qu'a été pour lui la guerre. Et ce qui est intéressant aussi dans l'histoire des Dassault, c'est que donc ce sont des gens qui ont toujours tenu un discours extrêmement libéral sur le mode, il faut laisser faire les marchés, etc. etc. Et en réalité, le groupe Dassault s'est en grande partie construit grâce à la commande publique. S'il n'y a pas l'État qui lui commande des avions, etc., le groupe Dassault n'existe pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut entretenir les meilleurs rapports avec le monde politique, et c'est pour ça que Marcel Dassault va faire la carrière d'un homme politique qu'on connaît tous et qui s'appelle Jacques Chirac. Alors, ce retournement que vous évoquez là, entre 68-80, il s'opère on voit arriver là ce qu'on appellera le néolibéralisme à ce moment-là, non? Ou vous le placez plus tard, ça? C'est un peu à cheval sur les deux périodes, mais ce qui est très clair, c'est que dans les années 70, le patronat formule de manière explicite une vision stratégique pour les décennies à venir. Elle est assez simple, elle dit, voilà, il y a eu mai 68, le champ de bataille, en quelque sorte, s'est déplacé sur le terrain intellectuel, idéologique, culturel, médiatique, sur le champ de l'éducation notamment, et il faut qu'on investisse tous ces terrains-là de manière très offensive. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il y a des histoires très intéressantes de ce point de vue-là. Comment, par exemple, le patronat organise des colloques pour les enseignants, notamment les profs de sciences éco, pour leur faire passer en quelque sorte leurs idées. Alors, toujours dans les très bonnes conditions, Benoît en parle, il y a un colloque qui est organisé au Mont-Saint-Michel, dans de très bonnes conditions, très bons hôtels, très bons restaurants, etc. Et tout ça sert à... C'est quelle époque, ça? Alors ça, c'est plus tard, hein. C'est dans les années 80-90, mais effectivement, ça vient de loin, ça a été théorisé avant et mis en application, y compris dans cette période-là. Et quand on a parlé plus tard de fluidification, hein, de l'espace public, ça passait aussi par ça. Mais je veux dire, ça n'était pas secret, mais c'est intéressant de le documenter. Moi, j'ai retrouvé notamment les archives de certains colloques, hein, ils se cachaient pas, mais il y avait un message très clair qui devait alors être passé. C'est ça que vous dites en permanence, c'est que c'est clair, c'est public, il n'y a pas de complot derrière ça. Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas plus? Pourquoi est-ce qu'un bouquin vient seulement maintenant, je dirais? Alors, il y a un élément qui joue et dont on vient de... qu'on peut relier c'est ce qu'on vient de dire. C'est qui parle. C'est l'effondrement du contre-pouvoir syndical qui se fait sur la décennie 80 de manière spectaculaire et qui laisse le champ libre au patronat. Et ce contre-pouvoir qui s'effondre, il est sous-jacent en fait dans plusieurs chapitres de notre livre où on voit les syndicats qui... sincèrement, il n'y a pas d'autre expression qui accepte d'aller à la soupe. À travers les instances paritaires, concrètement ce qui gère la sécurité sociale et ses multiples satellites, on voit se dessiner un syndicalisme d'appareil qui peut se passer de militant, qui n'a plus besoin d'eux pour vivre financièrement et qui devient dépendant du patronat à un syndicalisme point d'accompagnement. Pas. Un syndicalisme d'accompagnement est encore une expression polie. C'est un syndicalisme de complaisance à bien des égards et qui accepte de jouer un jeu dangereux, notamment... Là, vous parlez de la CFDT, par exemple. Oui, et je parle aussi de l'amiante. Les syndicats ont assumé une lourde responsabilité dans ce dossier en refusant de voir ce qui était en train de se passer. Comment vous expliquez cette orientation, effectivement, des syndicats au cours de ces périodes? Moi, je pense que ça tient à un phénomène historique, c'est qu'à partir des années 70, le nombre d'adhérents au syndicat baisse de manière très régulière et assez forte. Et à l'inverse, le nombre de permanents dans les grandes confédérations augmente, lui, de plus en plus. Donc vous avez deux courbes là qui se croisent en quelque sorte. Les syndicats ont vraiment besoin de financement. Comme tout ça n'est pas du tout organisé, que la loi reste extrêmement floue, que les syndicats n'ont pas d'obligation de compte à rendre, etc., de compte à publier, ils s'organisent un peu comme ils peuvent, quoi. Et je pense qu'ils répondent beaucoup aussi à cette contrainte qui pèse sur eux, qui est une contrainte financière. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le vrai pouvoir, et ça on le rappelle à de nombreuses reprises, ça reste l'argent. Dans la période 68-80, moi je mettais une date importante, c'est 74 avec l'élection de Giscard. Et auparavant, il y a un épisode que vous évoquez, c'est Lippe. Ça, c'est un grand moment. Le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui, je me souviens de ça. Oui, c'est un moment charnière. Hein, c'est un moment charnière. Ouais. Là, vos patrons ont eu chaud aux oreilles. Là, c'est il y a Claude Neuschwander, qui était le patron un peu de la Nouvelle Gauche, qui avait été choisi un moment pour reprendre cette entreprise en lien avec le patronat qui était considéré comme progressiste à l'époque, c'est-à-dire des gens comme Antoine Riboul, le patron de Danone, par exemple. Claude Neuschwander a une phrase assez cruelle, il dit « c'est le moment où on passe d'un capitalisme où l'entreprise est vraiment au centre, à un moment où c'est la finance qui prend le pouvoir. » Et c'est intéressant, effectivement, ouais. Alors peut-être tout le monde ne se rappelle pas de l'épisode LIP, c'est en 73, effectivement, cette entreprise d'horlogerie, entre autres, est en crise, se cherche un repreneur, c'est finalement... et donc, y a, d'une certaine façon, c'est les employés, les salariés qui veulent sauver leur entreprise, mais non pas pour faire la révolution. Qui, dans un premier temps, y parviennent. Absolument, non pas pour faire la révolution. Bon, c'était notamment la CFDT, hein, quelqu'un comme Charles Piaget qui est resté, dont le nom est resté dans cette histoire-là, non pas pour faire une révolution bolchevique, mais au contraire, parce qu'ils étaient attachés à leur outil de production et qu'ils voulaient sauver l'entreprise. Mais effectivement, pour le patronat de l'époque, François Sérac et le CNPF, c'était absolument abominable. C'était qu'est-ce que c'est que ces salariés qui veulent prendre le contrôle de l'entreprise. Enfin bon. Et donc, finalement, c'est Claude Neugevender qui reprend l'entreprise. Et finalement, il y a un choix politique qui va être fait. Alors que cette entreprise était viable économiquement, en 1975, donc effectivement c'est Jacques Chirac qui est Premier ministre, Jacques Chirac, je raconte la scène dans le chapitre, demande à Antoine Riboud, convoque quasiment Antoine Riboud à l'Élysée en présence de François Sérac, et dit bon maintenant c'est ou vous ou libre quoi. On est après le premier choc pétrolier, il faut quelque part faire un exemple, et on est dans cette période où effectivement c'est la financiarisation de l'économie qui commence à arriver, et Claude Neugevender qui se retrouve devant le fait accompli, refuse d'aller dans cette direction-là, et il va se retrouver à la porte et blacklisté du jour au lendemain. Voilà. Donc là, effectivement, c'est un moment un peu de bascule idéologique, l'affaire Lippe. C'est ça, idéologique, c'est-à-dire que là, la finance va prendre le pas sur l'économie. L'économie financiarisée, au moins pour la France, commence là. Et puis, il y a effectivement, bon, si on reste dans l'idéologie, on parlait du rôle de la gauche tout à l'heure, c'est vrai que dans ces années 70, avant l'élection de François Mitterrand, des gens comme par exemple Jacques Attali ont joué un rôle de poisson pilote extrêmement important pour essayer de convertir la gauche à cette espèce de néolibéralisme. Et c'est vrai que si on parle d'histoire secrète, on présente toujours 1983, le tournant de la rigueur, etc. En fait, on s'aperçoit que c'est un choix politique, pour le coup, qui n'était pas du tout dicté par des raisons économiques et qui a été préparé bien en amont par des gens comme par exemple Jacques Attali, qui prenait une politique anti-keynésienne, il ne fallait pas du tout soutenir les salaires et passer par une rigueur budgétaire. Alors la troisième période que vous choisissez, séquence historique suivante, c'est 81-87, le socialisme patronal. Voilà, on est en plein dedans là. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est tous les effets en fait de la conversion idéologique de la gauche. C'est-à-dire que la gauche va institutionnaliser en quelque sorte la financiarisation de l'économie. Martine Orange l'évoque très bien sur le volet des privatisations, où en fait on l'a un peu oublié, mais les premières privatisations, c'est la gauche qui les lance. De la même manière que la libéralisation des marchés financiers est opérée par Pierre Bérégovoy à l'époque. Et donc à chaque fois que la droite revient au pouvoir, elle ne fait que continuer, parfois accentuer ce mouvement, mais c'est un mouvement là qui est continu. Et c'est là aussi où commencent vraiment les premières grandes privatisations. Alors, on s'attarde un petit peu sur celle des médias, notamment celle de TF1, hein, avec l'espèce de cadeau qui est fait au groupe Bouygues à l'époque. Voilà, mais et là, on s'aperçoit qu'on part pour 20 ans de privatisation forcée et régulière, hein, en fait, entre les gouvernements de gauche et les gouvernements de droite. Et la dernière qui a eu lieu est celle qui a été menée par Dominique de Villepin sur les autoroutes en 2006, qui ont été bradées à des grands groupes privés, qui depuis d'ailleurs font des marges de profit absolument extraordinaires. Et voilà, et ça clôt en fait tout un chapitre de l'histoire à travers lequel on a bradé en fait réellement une richesse publique. Parce que faut quand même pas oublier que l'idée du pacte du Conseil national de la résistance juste après la guerre, de cette alliance entre les communistes et les gaullistes, c'était aussi l'idée de dire voilà, on va bâtir en France par l'État de la richesse nationale en construisant des grands champions. Et ce qu'on a réussi à faire dans un certain nombre de domaines, par exemple celui de l'industrie pétrolière. Et donc en ayant comme ça une politique très volontariste, on va créer de la richesse pour l'État, qu'ensuite on va transférer au privé à des conditions extrêmement préférentielles pour tous ces grands groupes qui, parallèlement, soutiennent la carrière politique des gens qui prennent les décisions. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'en 87, quand le gouvernement de Jacques Chirac lance ses privatisations, on est en face d'une crise financière grave qui se prépare et qui va éclater en octobre 87. On a le souvenir de cette époque-là d'une gauche plutôt dogmatique et d'une droite pragmatique. Mais en fait, c'est exactement le contraire. La gauche, à ce moment-là, ne critique pas les privatisations tant sur le principe que sur les modalités. Il dit, si vous les privatisez, bon, vous le ferez, mais au moins, attendez. La bourse est en train de s'effondrer, vous allez brader ces entreprises, comme le dit David Servenay, mais c'est une braderie qu'on a pu chiffrer sur les ventes de très très grands groupes français. L'État a perdu 15, 20, 30% de ce qu'il aurait pu en obtenir, simplement en attendant quelques mois. Mais il fallait privatiser pour envoyer un signal, ce qui était absolument effarant. Et on a reparlé de France Télécom et de la vague de suicide à France Télécom, l'ouverture du capital. France Télécom, elle s'est quand même faite sous la gauche au départ. Hein. Mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est peut-être la raison pour laquelle la gauche n'a pas le crédit qu'elle souhaiterait avoir aujourd'hui. On continue avec l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours, avec Benoît Colomba, David de Servenay. et Erwan Seznec. Alors, qui revient quand même souvent dans votre bouquin, c'est embrouille, escroquerie, arnaque, quand même, hein, avec respectable, sous la façade de la loi. Triche, c'est la triche, en fait. C'est la triche, mais dans le cadre de la loi, quoi, autant que possible. Alors, parfois dans le cadre de la loi, parfois ça déborde un peu. Mais on décortique, et Martine Orange le fait avec beaucoup de talent, le système qui s'est beaucoup développé dans les années 80, de ces grands patrons qui ont fait fortune à la barre des tribunaux de commerce. Et selon un arrangement assez simple, en fait, avec d'un côté la complicité d'une banque, en l'occurrence, si on prend le cas de Bernard Tapie, c'est une filiale du Crédit Lyonnais, dont le directeur est également le président du tribunal de commerce de Paris. Et le troisième personnage, c'est un avocat d'affaires qui est aujourd'hui très connu, et qui est un expert en montage financier, qui s'appelle Jean-Louis Borloo. Et à l'époque, donc Tapie, Borloo et Despessailles, donc le président du tribunal de commerce, montent un système par lequel le président du tribunal de commerce repère les groupes en déclin, mais qui ont encore dans leur périmètre des actifs tout à fait valorisables. Ils passent donc en procédure de liquidation. Tapie les reprend très facilement. Ils liquident toutes les branches pourries, en général avec des subventions de l'État pour financer les licenciements. Ils valorisent les quelques pépites à valoriser et ils les revendent très vite. Et Tapie va construire sa fortune là-dessus, exactement comme Bernard Arnault ou François Pinault, on l'a oublié. Alors la différence, c'est que Tapie n'a pas de vision industrielle, il veut pas bâtir un groupe cohérent, là où des gens comme Bernard Arnault et François Pinault vont bâtir des groupes avec une vraie logique industrielle, Arnault dans le luxe, pour l'exemple. Période suivante, on arrive en 97, là, c'est ça ? Absolument. Après la période des années 90, c'est la mondialisation. Voilà, toute cette période durant laquelle, alors là, il y a un double mouvement, en fait. Il y a un mouvement de régulation, notamment parce qu'entre la fin des années 80 et le début des années 90, il y a tout un tas d'affaires politico-financières qui éclatent. Et donc, derrière, il y a une réaction normative. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même tellement voyant et scandaleux que là, les politiques décident quand même de mettre un peu le là, mais parallèlement, il y a tout un tas de nouveaux mécanismes qui se développent dans le cadre de la mondialisation, qui vont être encore, d'une certaine manière, encore plus pervers, parce que ça va donner une logique à la financiarisation de l'économie qui ne va plus s'arrêter, qui va s'emballer en quelque sorte. Erwan Seznec, vous êtes arrivé plus tard, la question qu'on posait au départ, est-ce que vous croyez qu'on peut moraliser le capitalisme, puisque c'est ça votre point de départ, non. Et ça va être ça notre point d'arrivée. Non, absolument pas. Notre livre parle effectivement beaucoup d'arnaques, de combines, mais je pense que notre livre parle de l'économie et du capitalisme comme les entrepreneurs en parlent entre eux en privé. Faut pas se voiler la face. Certains vont lire le livre avec régal, ou ils vont se dire mais ils se sont complètement plantés, ces pauvres, c'était encore plus compliqué que ça. Mais ils vont pas tomber du ciel. Enfin, il faut vraiment bien distinguer le patron d'une petite PME de plasturgie dans l'Ain des gens dont on parle. Lui, il a la tête dans le guidon, il essaie de tenir sa boîte. Oui, et puis il va servir de caution aux autres. Exactement. C'est le petit gars qui se débrouille dans son coin, qui fait ce qu'il peut avec ses salariés. Lui n'a rien à voir avec ça. C'est un monde qui est totalement étranger et qui cautionne pas. Les petits patrons de PME ont une image désastreuse du MEDEF en France. Ouais. Hein, faut pas se le cacher. Vous avez rencontré ces patrons au cours de vos enquêtes. On a pu en rencontrer un certain nombre, effectivement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, certains parlent, hein, bien sûr. Alors Laurence Parisot, le président du MEDEF a refusé de nous rencontrer, hein, c'est pas faute de l'avoir sollicité. Mais sinon, bien entendu, c'est vrai que l'affaire de la caisse noire de l'IMM a d'une certaine façon aussi délié certaines langues. Parce qu'on voit bien quand même derrière l'affichage public, d'une affaire que tout le monde a l'air de découvrir tout d'un coup, il y a des enjeux très importants derrière, il y a des règlements de compte autour de prise de pouvoir. Donc c'est vrai qu'on a peut-être bénéficié aussi de ce concours de circonstances-là. On a l'impression quand même en vous lisant, il y a quand même pas mal de choses qu'on savait déjà dans votre somme là, hein, les affaires Tapie, les affaires UIMM, etc. On a l'impression qu'on n'a pas prise là-dessus. Hein. On parlait du pouvoir des syndicats qui est effectivement affaibli ou faible en tout cas aujourd'hui. On a l'impression qu'on n'y peut rien. On a l'impression que après tout, à quoi bon savoir tout ça ? Non, mais comme le disait Erwan tout à l'heure, c'est vrai que quelque part c'était un petit peu la défaite des contre-pouvoirs. Hein, des contre-pouvoirs politiques, des contre-pouvoirs syndicaux, des contre-pouvoirs journalistiques. C'est aussi ça qui a peut-être un petit peu derrière. Enfin, la brigade financière vient quand même de perquisitionner chez quelques syndicats tout de même, c'est pas désespéré. Et puis, c'est peut-être pas un combat qu'on peut clore une bonne fois pour toutes, mais il est nécessaire et vital d'en parler et d'informer les gens. Ça choque quand même, heureusement, encore un peu. Mais le combat, quelqu'un comme Alain Minc le poursuit. Hein, pour Alain Minc, ce n'est qu'un début, il continue le combat. Et c'est le début de votre bouquin. Parce que vous commencez par un courrier qu'Alain Minc adresse à ses amis patrons en leur disant, est-ce que vous vous rendez compte de la situation? La situation est critique, il sonne l'alarme. Ouais. Qu'est-ce que vous avez, vous pensez qu'il se fout du monde ou c'est vrai? Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que il s'est rien passé pour eux, pour vos patrons là. Cette crise financière, ils s'en sortent très bien. Bah, Alain Minc, c'est un peu la marionnette utile finalement du patronat. C'est-à-dire que c'est celui qu'on agite en permanence sur les plateaux de télévision pour porter la bonne parole. Voilà, il le fait d'ailleurs avec grand talent. Maintenant, je pense qu'il y a des logiques à l'œuvre qui sont très difficiles à contrer. Et c'est notamment la logique qui veut que patronat et politique sont dans un tango duquel ils n'arrivent pas à sortir en quelque sorte. Et vous oubliez le troisième personnage, un télo médiatique dont on a parlé tout à l'heure, qui joue un rôle important. Vous le montrez d'ailleurs. Alain Minc en est la parfaite illustration. C'est pour ça qu'on met cette phrase en exergue au début du livre. Je peux juste la citer en quelques mots, parce qu'elle est tellement caricaturale qu'elle en est intéressante. Donc il s'adresse à ses amis patrons en leur disant « Mesurez-vous que le pays a les nerfs à fleur de peau, que les citoyens ont le sentiment, fut-il erroné, de subir une crise dont nous sommes tous, à leurs yeux, les fautifs. » Donc là, attention, l'opinion se réveille, faut prendre toutes les précautions possibles. Bon, lui ne juge pas qu'il faut changer quoi que ce soit, c'est simplement que, voilà, ils sont rattrapés par la défaite de leur propre idéologie à ce moment-là, de cet ultralibéralisme, de cette dérégulation à outrance. Et donc voilà, simplement, là, il lance un signal. On voit bien, là, l'actualité récente a bien montré que, une fois la première vague passée, bon an, mal an, tout est en train de se remettre en place, que ça soit au niveau des produits financiers, au niveau du reste. Mais c'était intéressant de mettre cette photographie de cet instant T d'Alain Minc tirant cette sonnette d'alarme. Voilà. Mais tout va recommencer comme avant, bien entendu. Et tout recommence comme avant, as usual. Et business as usual. Voilà, et que tout change pour que rien ne change. Qu'est-ce que vous espérez de ce bouquin? Quel impact? À quoi vous vous attendez? Des emmerdements avec les patrons? Ça commence. Ah, il fait un grand sourire. On espère que ce livre aura une longue carrière. Nous, on reste journalistes, on rapporte des faits. Après, c'est au lecteur de s'en emparer, en quelque sorte. Et si chaque lecteur, dans sa vie professionnelle, dans sa vie militante, dans sa vie syndicale, dans sa vie associative, peut transformer ces informations qu'on donne en quelque chose, ça sera très bien. Oui, parce que le bouquin est bien fait. C'est un gros bouquin, je l'ai dit, mais c'est très facile d'usage, enfin, d'utilisation. Oui, on a voulu dépasser le cercle des gens qui lisent ce genre de livres pour parler à des citoyens. Il ne faut pas s'intéresser à l'économie seulement quand votre usine est délocalisée. C'est un peu le but du livre. Conclusion. Peut-être pour clore la séquence, aujourd'hui on est dans une période, on parlait tout à l'heure des liens entre l'État, les grands patrons dont certains, ils ont pu grandement profiter effectivement de certaines connivences étatiques. C'est vrai qu'aujourd'hui on a encore un stade encore supérieur. On voit des gens comme Stéphane Richard qui va devenir le patron de France Télécom, qui était l'ancien directeur de cabinet de la ministre de l'économie Christine Lagarde, qui négociait un redressement fiscal très important avant de pouvoir prendre son poste directeur de cabinet, qui lui-même est un ancien de la Compagnie Générale des Eaux, qui a été à la tête de la structure immobilière de Vivendi, qui a succédé à la Compagnie Générale des Eaux. Enfin, on voit bien quand même, là, on est au cœur quand même d'un certain système, au croisement entre le politique, l'économique et l'influence. Donc, évidemment, peut se poser, par exemple, la question de conflit d'intérêts. Bon, ça, c'est des questions qui concernent tous les citoyens. Oui, puis il y a peut-être, in fine, une question que le patronat peut se poser aujourd'hui, c'est celui de son identité, finalement. Parce que l'identité du patronat français, jusqu'à aujourd'hui, elle reposait, une fois de plus, sur le pacte du Conseil national de la Résistance, c'est-à-dire une alliance nationale entre des groupes qui avaient des visions idéologiques différentes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a quand même un patronat qui calque à peu près toutes ses réactions et tous ses actes sur le patronat anglo-saxon. Et ça devrait quand même l'interroger, le patronat français, parce que dans la construction de la vie économique et sociale française, il y a autre chose. Il y a une autre dimension. Et là, il y a une phrase qui est quand même très importante que je voudrais citer. C'est une phrase qui a été prononcée par Denis Kessler, donc ancien numéro du patronat, qui est présenté d'ailleurs comme un candidat potentiel futur pour le patronat français. Ancien maoïste, très proche de Dominique Strauss-Kahn et patron de la Fédération des Assurances, et qui en 2007, au magazine Challenge, a expliqué clairement qu'il fallait défaire méthodiquement l'héritage du Conseil national de la Résistance. Voilà où on en est aujourd'hui. Et dont Dominique Strauss-Kahn dit avec beaucoup d'humour, il est toujours pour la lutte des classes, mais il a changé de camp. C'est un entretien avec Benoît Colomba, David Servenay et Erwan Seznec autour de leur livre « Histoire secrète du patronat » de 1945. À nos jours, le vrai visage du capitalisme français, coécrit avec Frédéric Charpier et Martine Orange. Il est paru le 5 novembre 2009 aux éditions La Découverte. Petite revue de presse, eh ben c'est vous qui voyez. L'avenir du ou deux hommes chargés par une vache. L'agriculteur est décédé. L'agriculteur chargé par une vache ce dimanche à l'avenir du ou est décédé. L'homme de 54 ans et son neveu ont été attaqués par l'animal qui avait récemment vêlé alors qu'il venait chercher son veau. Eh oui. Bon. Des greffiers du tribunal d'Épinal de nouveau en grève. C'est écrit sur leur pancarte des greffiers du tribunal d'Épinal, tout comme leurs confrères du reste de l'Hexagone, se sentent fatigués, frustrés, invisibles, exploités. Ce jeudi 21 septembre, une vingtaine de greffiers, soutenus par autant de magistrats et d'avocats, se tenaient devant le parvis du palais de justice pour matérialiser leur ralliement au mouvement de grève nationale. Nous sommes venus nombreux, parce que nous sommes tous de la même barque qui prend l'eau, assure le substitut du procureur Lucas Maillard-Salin. Et sans greffier, ce n'est pas possible pour les magistrats de travailler. Donc à Épinal, 98% des greffiers étaient en grève ce jeudi-là. Épinal, un spinalien aux commandes du sous-marin nucléaire L'Améthyste. Les habitants de Rumont se rebiffent contre le centre social. Le torchon brûle entre les habitants du quartier de Rumont et le centre social de Remiremont. La faute à des accusations portées à l'encontre d'associations PACCT, partenariat des acteurs culturels, citoyens et territoriaux, chers à ce quartier. Voilà. De la nostalgie, les habitants du quartier de Rumont, même s'ils espèrent un retour à l'apaisement, n'attendent plus grand-chose du centre social, où passe l'enveloppe dédiée au dispositif quartier prioritaire de la politique de la ville dont le Rumont était bénéficiaire. Où ? Point d'interrogation. Élection municipale, le Val d'Ajol. Élection municipale partielle, 3 candidats au coup d'envoi. Voilà. Eh oui. Une frange de la population a été de voter, a décidé de voter pour la fermeture du collège. Oui. Alors voilà, élection municipale, 3 candidats, aucun de gauche. Alors, eh bien, laissons faire la nature, hein. Eh oui. Les personnages de Louis Forton, Riboulding, Coquignol et Filochard reviennent grâce aux éditions Olizel dans de nombreuses aventures dans des décors bien vosgiens entre Épinal, Remiremont, Gérardmer, Saint-Dié ou encore Rambervillers. Un périple qui pourrait bien en amener d'autres. Les Pieds-Niclés choisissent les Vosges pour leur grand retour. Les Pieds-Niclés, vous vous souvenez des Pieds-Niclés? Ah oui, la salle d'attente du dentiste, les Pieds-Niclés. Eh oui. ça a aidé à se détendre et à attendre. Portrait chantier de Notre-Dame, Philippe Jost sort de l'ombre. Bon. Environnement, les pêcheurs mécontents de leur plan de verdissement. Ah, bon. Politique, assistant de d'eurodéputé FN, Marine Le Pen risque un procès. Marine Le Pen, son parti et sa direction des années 2010, dont Jean-Marie Le Pen ou le maire de Perpignan, Louis Alliot, bientôt jugé pour détournement de fonds publics. Point d'interrogation. Le parquet de Paris a requis un procès pour le Rassemblement national et 27 personnes suspectées d'avoir pris l'argent de l'Union européenne entre 2004 et 2016 pour rémunérer des assistants travaillant en réalité pour le parti. Nous contestons cette vision qui nous paraît erronée du travail des députés d'opposition et de leurs assistants, a réagi l'entourage de Marine Le Pen. La finance, la Banque de France, inquiétude sur les conditions de travail. Marseille, le pape défend la cause des migrants. Alors, oui, la cause des migrants, mais il faut étudier ça en détail. Il faut savoir pourquoi des gens risquent beaucoup d'argent, parce que les passeurs, ce sont des bandits qui se font payer cher. Hein. Ensuite, pourquoi ils risquent leur vie, leur santé? Eh bien, c'est parce que dans leur pays d'origine, la vie est devenue impossible. Et qu'ils pensent, on leur a dit, on leur a fait croire, qu'en France, les choses allaient beaucoup mieux. Hein. Voilà. Alors, donc, ils traversent la Méditerranée sur des bateaux qui tiennent plus ou moins... Hein. Et puis, ils viennent en France, et là, ils prennent n'importe quel travail, à n'importe quel prix au départ, parce qu'il faut d'abord commencer par survivre, hein, avant de commencer à vivre, à vouloir vivre. Et puis, en faisant ça, ben, ils se rendent pas compte que, ben, d'une certaine manière, ils augmentent encore le chômage des Français d'origine. Eh oui. Donc, la solution par rapport aux migrations, ça serait de permettre aux gens de vivre normalement dans leur pays d'origine. C'est-à-dire faire que les conditions de travail là-bas, que les conditions de vie soient suffisamment correctes pour que les gens puissent avoir envie d'essayer de vivre dans leur pays et pas de prendre des risques inouïs pour aller vivre dans un pays où ils seront exploités, eux aussi, surexploités. Hein. Il faut que nos gouvernements négocient avec les pays d'origine pour que les conditions du commerce international deviennent correctes, deviennent humaines. Voilà. Faut humaniser l'humanité. Alors donc, les papes défendent la cause des migrants. Bon, eh ben oui, eh ben allons-y, négocions, réfléchissons. Espace, Osiris Rex, pardon, une poussière si précieuse, prélevée en 2020 sur l'astéroïde Bennu. La poussière que la NASA s'apprête à récupérer ce dimanche, c'est-à-dire hier, n'a pas bougé, enfin hier, oui, d'après le journal, n'a pas bougé depuis la création du système solaire. Voici 4,5 milliards d'années, peut-être même 4,6. Un luxe de précaution entoure ce retour d'échantillons. L'enjeu est de taille pour une mission à 800 millions de dollars destinée à ramener sur Terre un véritable trésor. 250 grammes de matière extraterrestre vieille de 4,5 milliards d'années. 800 millions de dollars pour 250 grammes. Hein? Ah, ah, ah. Eh oui, on est épaté, hein. Contrairement aux planètes, les astéroïdes n'ont quasiment pas évolué depuis la création du système solaire. Les matériaux qu'on y trouve sont les mêmes que ceux à partir desquels la Terre primitive s'est formée. En les étudiant, les scientifiques espèrent en apprendre beaucoup sur l'histoire du système solaire et la formation des planètes et potentiellement l'apparition de la vie. La ministre Carole Grandjean à la rencontre des apprentis vosgiens. Eh oui, ils auront une bonne formation. Et puis ensuite, ils auront un bon travail avec un bon salaire, des bonnes conditions de travail. Oui. Mais si, allez. Il y a 6 millions de chômeurs dans ce beau pays. Mais quand même, bon. On peut espérer que, en votant pour Sarkozy, pour Hollande, pour Macron, ou des gens de la même espèce, eh bien, les Français font eux-mêmes leur malheur. Et puis les malheurs de leurs enfants et de leurs petits-enfants par la même occasion. Oui. Grand test. 11 morts à Winsenheim. Une succession de défaillances. Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales sur l'incendie de Winsenheim dans le Haut-Rhin, qui a coûté la vie à 11 personnes le 9 août, pointe, entre guillemets, un système de défaillance généralisé. Fermons les guillemets. Le gouvernement veut renforcer les contrôles pour éviter un nouveau drame. Alors, vous croyez qu'il fera quelque chose au gouvernement? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y en a qui ont voté comme des cons. Pour Macron, pour Sarkozy, pour... Bref, voilà. Voilà. On a sacrifié des générations en votant mal. Guerre en Ukraine. Kiev accentue la pression en Crimée. En frappant le quartier général de la flotte de la mer Noire, Kiev a fait à la fois la démonstration de ses capacités militaires croissantes et la vulnérabilité de la Russie en Crimée. Eh ben, souhaitons que ça soit vrai. Souhaitons que cette guerre d'Ukraine ne soit pas un piège pour l'humanité tout entière et que ça ne débouche pas vers 2027, par exemple, sur une guerre mondiale. Troisième guerre mondiale, qui serait sans doute la dernière. Parce que là, il y a dans pas mal de pays, à la surface de la Terre, tellement de bombes atomiques, tellement de fusées pour les lancer, et tellement de chefs d'État dont le niveau mental est à ras des pâquerettes, qu'on peut tout craindre. Agriculture, glyphosate, Berlin plaide pour une interdiction dans l'Union européenne. Et la France, les agriculteurs français, enfin les agriculteurs, certains, ne veulent pas qu'on supprime le glyphosate. Bientôt une livraison de missiles longue portée. Selon plusieurs responsables américains cités sous couvert d'anonymat, par la chaîne NBC, Joe Biden aurait promis à Volodymyr Zelensky de fournir à l'Ukraine une petite quantité de missiles tactiques longue portée ATACMS. Voilà. Alors, bon, ce n'est que... Voilà. C'est un engrenage. Un engrenage dans lequel... ils se sont rendus compte, les chefs d'État, que un des gros problèmes de l'humanité... C'était la surpopulation mondiale. Alors, ils ont des idées pour résoudre ce genre de problème. Oui. Ils savent résoudre les problèmes. Société, la colère contre les violences policières, toujours vive. La manifestation parisienne contre les violences policières a réuni plusieurs milliers de personnes. Épinal, une manifestation pour la fin des violences policières. Pendant environ une heure. Les participants ont scandé « Macron, ta police, on n'en veut pas » ou encore « Darmanin, démission » au mégaphone et « Non aux violences policières, stop au racisme et à la répression ». Le tout en rappelant les mutilations des gilets jaunes, la mort de Rémi Fraisse, les blessés dans le coma et les secours empêchés d'intervenir à Sainte-Soline. Alors, une photo complète dans Rouge Matin, en couleur, une page complète. Hein. Et puis, il y a « Cette étiquette vous choque. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. » En France, les cadres seniors sont deux fois plus nombreux à être touchés par le chômage de longue durée. Pourtant, leur expérience et leurs expertises sont de véritables atouts pour votre entreprise. Recruteurs, changeons notre regard sur les seniors. Échangez avec nos consultants pour recruter tous les talents. Rendez-vous sur apec.fr. Alors, il y a un monsieur, un cadre avec un beau costard, qu'on voit de dos, et dans son dos est collé une étiquette, c'est marqué « Périmé ». Sur le marché du travail à partir du 2-11-2023. 2023. Eh oui, le chômage des cadres. Oui, oui, oui. Alors, on commence à licencier les cadres âgés. Et puis, on s'apercevra que l'intelligence artificielle permet de remplacer une grande partie des cadres. Comme les robots ont permis de remplacer les OS, c'est-à-dire les ouvriers spécialisés dans le montage des voitures, par exemple, ou dans la fabrication de trucs, de machins, de bidules. Hein, les robots, ils font des gestes répétitifs, ils peuvent travailler 24 heures sur 24, y compris les jours de congé, ils ne prennent pas de vacances, ils ne payent pas de cotisations sociales, ils ne payent pas d'impôts, etc. Mais c'est vachement rentable d'employer des robots. Eh bien, les robots de la vie intellectuelle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, et vont remplacer plein d'intellos, des députés, des sénateurs, des ministres, des cadres d'entreprise. Oh là là là là. Oh, vers quel genre de société on va? Mais bientôt on va s'apercevoir que un des problèmes de la Terre, c'est d'être surpeuplé par les humains. Oui, oui, oui, on s'apercevra qu'il y a pas besoin de tant d'humains que ça. Ben non. Oh, ça va être embêtant, ça. Oh là là, vers quelle solution on va arriver? Vers quelle? Oh, 1923, en Allemagne, il y avait 6 millions de chômeurs. Et du coup, ben, le parti nazi a eu 40 députés au Reichstag. Et 10 ans plus tard, les nazis étaient au pouvoir. Et oui, et quelques années de plus, et c'était la Deuxième Guerre mondiale. 64 millions de morts. Oui. Plus que la population, ben, l'équivalent de la population française actuelle, voilà. Hein? Oui. Ah ben, pas que des Français ou que des Allemands, ben, il y a eu des Russes, il y a eu des Américains, des Anglais, etc., qui, des Japonais, bref, voilà. Ah ben, une guerre mondiale, oui, c'est, la guerre de 70, c'était 730 000 morts. Hein? Vous voyez, 30 000 morts, prêt, on a pu compter. La guerre de 14, on a dit 8 millions. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr. À 1 million près, on n'est pas sûr. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, ben 64 millions. Hein. Vous voyez, moins d'un million, 8 millions, 64 millions.